Bah, ça enregistre là? Ouais. Dans le bush australien, y a pas un chat, y a rien. Dans le bush, qu'est-ce qu'on sent seul? Mais au moins, on n'est emmerdé par personne. Hang on, you're right. Hey, move your. What are you fucking doing here? Move your car, or we'll call the cops. I will call the cops, mate.